La communauté internationale exalte l'amour sublime du Parti travail de Corée pour la postérité, l'avenir. Le journal russe Khabarovsk Express a écrit que le concept pour la postérité, l'avenir du dirigeant suprême Kim Jong-un, c'est de l'aimer et d'être convaincu de la victoire, alors que l'Indonésien Suara Karya a indiqué que le monde prévoit l'avenir radio coréen dont la politique du dirigeant suprême Kim Jong-un attachée extrêmement à la nouvelle génération. L'administrateur général adjoint du conseil du fonds Kim Il-sung, Kim Jong-il, a dit qu'il a été touché profondément par l'aspect des enfants coréens qui épanouissent à souhait leurs espoirs et talents dans les centres d'enseignement d'ordre mondial qu'il n'a pas vu voir ailleurs dans le monde. Et le vice-président de l'association éthiopienne de la jeunesse d'Addis Abeba a déclaré que la politique coréenne, qui considère comme la plus importante affaire de l'État le travail envers la postérité et n'épargne rien pour elle sous la direction du dirigeant suprême Kim Jong-un, sert d'exemple à tous les pays du monde. Le ministre de l'Enseignement et des Sciences du gouvernement du territoire Khabarovsk de Russie a dit que les enfants coréens qui grandissent sans rien envier dans le monde, entourés de grands soins du respecté camarade Kim Jong-un, deviendront à tout prix à l'avenir les patriotes.